son rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Hola, bon dia la planète à la familia. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable nuit. Ouais, une nuit plutôt calme, hein, côté ciel. Aujourd'hui, le soleil devrait faire son apparition en fin de matinée. Un ciel assez grisâtre ce matin, malheureusement, avec des températures plutôt pas mal quand même. 7-8 degrés au lever du jour. On devrait dépasser les 19 voire 20 degrés. Le beau temps devrait revenir à la normale, donc je vous le disais, en fin de matinée. Et puis demain, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, eh bien du soleil et encore du soleil. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Le soleil, il est là, avec Akon qui arrive, Pitbull sur un arc-en-ciel. Belle journée et bon réveil, c'est Francky dans la radio. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. El blanquito mandito con el negrito, el cano. History in the making. Mapio. Que aquí no se duerme. Quiero besarte y hacerte el amor como te gusta a ti. Si te gustan los mayores, mira lo que tengo aquí. Mami, punto. Hey, Kong, el negrito y el blanquito, el mandito, ya tú sabes, estamos listos. Esta vida de dinero y fama, lo que creas, envidioso, garrapata, drama, y todos ellos son igualistas. Eso es porque cuando te digo que te quiero es la verdad. Hey, angelito, yo no tengo nada, la verdad. Yo doy mi vida por la tuya, mami, la verdad. Ya pues son sexy, ¿no? Arc-en-Ciel 96.2 FM, Slave to Love, l'amour est esclave. Ah ouais, pas mal, pas mal. Brian Ferry dans les années 80, ça fait du bien, le meilleur des souvenirs ce matin pour bien vous réveiller. 7h09 en direct et c'est Frankie dans la radio. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Frankie sur Radio Arc-en-Ciel. Eh, le rayon de soleil, il va arriver tout à l'heure, ça c'est promis. Coucou à Bertrand qui vient de se réveiller, salut. Frankie, je vais au taf ce matin, je te souhaite une très très belle journée. Merci de ton retour à la radio. Ouais, he's back, Frankie, heureux d'être là. Merci à Natacha aussi qui nous écoute sur le 96.2 FM du côté de Pithiviers. Salut Natacha, belle journée à toi. Du son qui arrive, la bicicletta avec Carlos Vives, on adore. Et puis le meilleur des souvenirs, le roi, la soul, la music. Cette voix, vous l'adorez, monsieur Barry White, your first lesson, my everything. Bon courage à vous si vous allez au taf ce matin. Coucou à tous les boulangers qui sont réveillés là depuis très très très haut, très tôt. Les livreurs aussi qui viennent de se réveiller comme Pascal. Salut la famille, belle journée à vous. Barry White sur Radio Arc-en-Ciel. Bon réveil. Myself slipping into more and more ways. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Tonight, you're frozen lace, my hair of in. Quelle voix! Coucou à Natacha qui vient de se réveiller. Belle journée à vous sur Radio Arc-en-Ciel. C'est ce que nous dit Natacha, justement, du côté d'Orléans. Belle journée Natacha, bon réveil. 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard si vous voulez nous joindre. Un petit coup de bicyclette ce matin, pourquoi pas? Avec Carlos Vives, Shakira. Pasado. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, donde sueño que te quiero tanto, que se rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, aquí yo guardo donde te escribí, que te sueño que te quiero tanto, que se rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que encanta la zona, se mueve en su cadera como un barco en la sola, tiene los pies de caso como un en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, aquí yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Oye, me cago, llévame en tu bicicleta. Que estás fingiendo, me le muestras en Tayrona. Después no querrás ir pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Oye, me cago, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona. Carlos Vives, Shakira, la bicicleta, Radio Conciel, 7h18. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Bandi à la planète, à la famille, à nos invités. Tout à l'heure, on va parler d'Imo avec le plan immobilier une fois par mois. Ouais, les bons plans avec Elder. Comment faire pour pas se faire arnaquer? Où trouver les bons plans, les bonnes astuces? Que devient l'immobilier? On en parle avec vous, on fait une petite généralité. Et puis, peut-être vous donner des bons tuyaux. Ça, c'est la bonne nouvelle, ça. Et puis, on va parler aussi cinéma. Après la diffusion de son court-métrage, c'était le 12 mai dernier à Orléans, en plein délire, le retour du public, le retour, voir comment ça s'est passé. Eh bien, il sera notre invité, Abdel, dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Ça me fait plaisir de le retrouver ce matin en direct, tout à l'heure vers 8h, 8h15. Belle journée à vous. Si vous venez d'arriver du côté d'Orléans, côté ciel, c'est pas terrible aujourd'hui, mais ça va s'améliorer normalement dans la matinée. La météo. Et oui, le ciel est grisâtre ce matin avec quelques gouttes de pluie malheureusement, mais le soleil devrait faire son apparition en fin de matinée. Et je vous rassure, toute la semaine, ça va être quasiment du soleil. Ça, c'est la bonne nouvelle. Aujourd'hui, les températures plutôt pas mal au lever du jour. 7 à 8 degrés. On devrait dépasser les 18, voire 19 degrés. Ça va, ça commence à arriver tout doucement, la chaleur. Belle journée à vous du côté de la chapelle Saint-Mémin. C'est ce que nous dit Christian. Salut Francky, belle journée à toi. Merci de ton retour à la radio. Ça nous fait du bien d'entendre ta voix. Moi aussi, mon ami Christian, bonne journée. Christophe aussi qui est connecté sur les réseaux sociaux. Salut Christophe, belle journée à toi, mon ami. Le son de Daddy Yankee qui arrive avec Doula. Doula, bon réveil à tous. Daddy Yankee, hein. 02-38-43-48-00, c'est le numéro de savoir si vous les appelez. Bah, Rumba, il arrive avec oui, Bandela, Bandia, la planète à la famille. Estamos a arrasar. Rumba, rumba, mexe. mexe, mexe esta paixão. Do teu corpo eu quero para sempre balançar. Dança, dança com este som e rebola, vais ver que é bom. É contigo que eu quero sempre me colar. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Put me in between. niña. Mami, got the fire and I got the gasolina. Mueve, mami, move it on me. Sacúdalo, make me a zombie. Girl, make me sweat like wasabi. I know I got you wet like tsunami. I wanna make you my princess. Where you wanna go, what interests ya? Give me that mundo to impress ya. If you're hot, baby, let me undress ya. Alright, okay, I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, uh-huh. Boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios mío, oh my God. Call me mamacita. Ok, Mamacita, Black Eyed Peas. Julie qui est là, salut Julie, belle journée à toi, bon réveil. Eh ouais, il fallait au taf, hein, 8h elle démarre. Bah, c'est bientôt, dans moins de 30 minutes. Heureux d'être là, c'est Frankie dans la radio. Le meilleur de la musique, Michael, Steven et Camaleon. Eu fico logo perdido a sonhar. Adoro quando me tocas, bailas sem parar. Eu fico louco e digo, vem me amar. Contigo quero ficar, sentir teu corpo no meu. Contigo quero vibrar, por isso bem que eu sou teu. Faz-me sonhar e acreditar neste amor caliente. Caliente, hein, quand le Portugal rencontre l'Espagne. Camaleon avec Michael et Steven. Camaleon qui sera bientôt à Orléans. On vous en parle la semaine prochaine. Ça va être du très très lourd avec Radio Arc-en-Ciel. Ça va être une pure soirée. Je vous en parle la semaine prochaine. Promis, de charmantes jeunes filles en 96 qui avaient cartonné avec ce titre, histoire de vous détendre avant de vous emmener à la porte du bureau, sur le chantier peut-être, dans le camion, entendre aller bosser. Ouais, il en faut. Salut à tous les boulangers qui nous écrivent ce matin. Les papilles, je les salue à Fleury les Aubrais, la boulangerie. Salut la famille. Voici Brandy et Monica. The boy is mine. Belle journée et bon réveil. 96 de FM. I just wanted to know, do you know somebody name? You know his name. Oh yeah, definitely. I know his name. But I just want to let you know that he's mine. No, no, he's mine. I'm sorry that bien de vous retrouver le matin à 7h37 en direct sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. José qui est là, qui va bosser sur le chantier. Salut José. Belle journée, bon courage à toi mon ami. Loque Paso, ça arrive, le son bachata de Daddy Yankee. On vous souhaite une très très bonne matinée. Le réveil de Radio Arc-en-Ciel. Ça vous réveille pas ce matin, courage à vous si vous allez au taf là dans le camion. Il y a Antoine qui est au taf ce matin, il est chauffeur livreur, salut mon ami. Peut-être qu'il vous ramène le colis ce matin que vous attendez depuis 15 jours. Il va pas tarder Antoine. En tout cas, on vous souhaite un bon réveil sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel et le soleil du Portugal là. Tiens, vous pouvez nous appeler 0238 43 48 00 si vous avez un message à faire passer ce matin. 0238 43 48 00 et le son de Magda Gaeta qui arrive. Belle journée. E bom dia à la planète. Mas é o jeito dela. Ao chegar à noite o que ele quer é festa. Mas tem que ser ao jeito dela. Ele quer mandar, mas é o jeito dela. Ele quer sair, mas é o jeito dela. Ao chegar à noite o que ele quer é festa. Mas tem que ser ao jeito dela. Mulher moderna. Ele quer mandar, mas é o jeito dela. Ele quer sair, mas é o jeito dela. Ao chegar à noite, o que ele quer é festa. Mas tem que ser o jeito dela. Ele quer mandar, mas é o jeito dela. Ele quer sair, mas é o jeito dela. Ao chegar à

chamado desesperado. A tua beleza é minha certeza. Tu és o que eu quero, és tudo pra mim. Pour vous réveiller, ça, tout en douceur, Isabella, belle journée sur le soleil de Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Salut Carlos, salut Monsieur Faria, vous nous appelez 02 38 43 48 00. Le meilleur de la musique pour vous réveiller en douceur avec Angie et sa petite fille, dans Eva. Tes yeux, je vois le monde autrement, dans tes yeux, Eva, tout mon amour en grand. Tes yeux, je vois comme j'ai pas vu avant. Ton regard, mon enfant, est le plus beau des présents. T'as fait de moi un papa. Je n'en reviens même pas. Eva, t'as fait de moi un papa. Magnifique, hein, le nouveau Kenji, écrit pour sa fille, Eva, justement, du même prénom. Belle journée, bon réveil, 96 de FM, en direct ce matin, Francky dans la radio. Belle journée, et la météo. La météo. Eh oui, le ciel est nuageux ce matin, mais le soleil devrait faire son apparition en fin de matinée. Je peux vous dire que toute la semaine, ça va pas être mal du tout. Du soleil, encore du soleil, aujourd'hui les températures, 7-8 degrés au lever du jour, on devrait dépasser les 19, voire 20 degrés sur Orléans, Saint-Yves, Pithiviers, Châteauneuf-sur-Loire, ou alors Chessy. Bon réveil avec Céline Dion, qui allez vous adorer le matin. Une petite prière païenne, pourquoi pas. Les mains serrées, si c'est facile. Fermer les yeux, j'aime plutôt ça. Je m'oubliais, pas impossible. Se faire un peu, pourquoi pas. Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix, mais pas le ciel. Il m'entend pas, mais pas le ciel pour moi. Quand je me réveille, je loue le jour, la vie toujours, toutes ces merveilles. Je fuis les roses, je vis les bois, les vertus rouges, n'importe quoi. Comme ça de vous retrouver avec une petite prière païenne. Céline Dion sur Radio Arc-en-Ciel. C'est Francky dans la radio, je vous accompagne jusqu'à 9h. Belle journée à vous si vous allez au taf ce matin. Salut à mon ami José. Ah, les carrossiers, il en faut des carrossiers Cap 45 qui sont là, je les salue au passage. Salut mon ami, bon courage pour le taf ce matin. D'ailleurs on recherche toujours des carrossiers, hein. Bah ouais, ça devient un peu la pénurie, hein. Pourquoi les gosses ils veulent pas travailler dans la carrosserie? Bah des listes de questions. Et voilà, et du boulot, sans déconner, il faut du boulot, et carrossier, c'est un super métier. Franchement, le meilleur de la musique pour vous emmener sur la porte du bureau, à la porte du bureau, au chantier, au garage, peut-être ce matin, l'Italie, Eros Ramazzotti. Come è cominciata, io non saprei, la storia infinita con te. Che sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia. Ci vuole finito bevendo, sì. Ti dico una cosa, se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione. Ça le matin, ça me met la patate, moi. Le beau gosse en plus, l'italien Eros Ramazzotti, Pio Bella Cozza. Heureux d'être là, c'est Frankie dans la radio. Je vous souhaite une très très bonne journée, vous qui êtes au taf ce matin. La grosse surprise, il sera bientôt sur Orléans. Ah, je vous en parle la semaine prochaine, ça va être une pure soirée. C'est Camaleon, Dimi Paul Cateras. toi avec le son de Camaleon. Si tu t'en vas, dis-moi pour qui te vas. Bah pas tout de suite en tout cas, vous partez à 9h, ça c'est sûr et j'adore. Azam Chic, salam alaikum. Salam alaikum, всем вам добрый вечер, пацаны. Настроили коле и шля ништяк. Кочеланы гулят, колышка желанные коле. Хамасы яхмали, йоки галяк. Yollarımız yoğrutsun çıro. Gaygoyumuz kalla da taro. Oldun da duman yok ki yomgur. Otvolamız perizden tezro. Daşnalikten yağızımız kola. Aynanamız bürgede oturan. Ketmesem orda koyuş borla. Dem olamız keçkece uxla. Salam aleykum, sen vam dobri veçir patsanin. Nastroyla kale işlen iştak. Kocelane gulet kılışke jelaneye kale. Hamasi yakmale yoki gale. J'adore ça. Azamich, salam alaikum. Ouais, c'est pas mal. Je viens de découvrir ça il y a 15 jours. Et franchement, je kiffe ce mec. Alors, on voit pas sa tête, on voit pas ses yeux. Il a une casquette. Ouais, c'est comme ça. Hein. C'est son style. Don Omar, entre tout et yo. C'est bien et c'est Frankie. Arc-en-ciel.

tiens, ça fait du bien de se rappeler quelques bons souvenirs comme ça sur la Francielle. En direct, nos invités qui arrivent dans quelques minutes. Le court-métrage En plein délire, c'était le 12 mai dernier. On va parler justement des retours avec Abdé qui est dans les studios avec quelques invités aussi qui ont vu le film. Et puis on va parler immobilier aussi avec Aldea tout à l'heure en direct sur la Francielle. Belle journée et bon réveil. Suelta como gavete. Me dice mami que esta noche tú estás garete. Dale papi que estoy suelta como gavete. Ya están cazando el hotel y los mozalbete. Que se tiren que estoy suelta como gavete. Hay una pila de charlatanes para darte fuerte. Que se aviten que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Estoy suelta como gavete. Yo soy su gato, ella es mi gata en celo. Quiero buscar reguleo del pueblo. Quiero mi que no le gusta el biblineo. Perreo, por ahí anda su novio en un fantasmeo, ¿verdad? Que esta noche va a haber un tiroteo. Dile que yo ando con mi gato en el patrullero. Ya que se la han bajurado, me lo llevo. Dale, dale, don, dale. Pa' que se muevan las yales. Activan los anormales y al que se repale, hostel, dale. Le matin c'est bien et c'est funky. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is over. Underneath my breath. shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man, and I see my future in your eyes. Well, baby, dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect. Tu es parfait, perfect tonight, parfait ce soir. Le son de Ed Sheeran avec Beyoncé, le beau duo qu'il vous faut, la météo et puis l'invité qui arrive. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est assez nuageux malheureusement ce matin, mais le soleil devrait faire son apparition en fin de matinée avec pas mal de nuages encore au lever du jour. Les températures 7 à 8 degrés, on devrait dépasser les 19 voire 20 degrés, ça c'est la bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est toute la semaine, il devrait faire quasiment beau sur Orléans, Pithiviers, Main-sur-Loire. Donc voilà, de quoi faire des bons barbecues. Et l'invité du jour qui arrive, on va parler immobilier, c'est le petit quart d'heure immo en Radio Arc-en-Ciel, une fois par mois à peu près, avec Elder qui arrive. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais, Elder dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel. Bonjour Elder Bandy. Hein. Salut. Ça va bien? Bah ça va super, et toi? En pleine forme, avec le beau temps qui devrait revenir au galop cette semaine. Et normalement, en fin de matinée, le soleil devrait faire son apparition. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bah ouais, c'est, ça fait plaisir quand il fait beau. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'immobilier, ça, le beau temps? Ah bah ouais, même pour les projets, pour l'humeur, ouais. pour les personnes. Donc, tout le monde en général. Exactement, ouais. Le point de l'immobilier, c'est une fois par mois environ sur un arc-en-ciel avec toi, Elder. Les bons plans, les tuyaux, les bons trucs à savoir, les bonnes occasions peut-être aussi à saisir si t'en as. Et puis des astuces que tu nous donnes. Et alors comment évolue l'immobilier en ce moment? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent depuis un mois à peu près? Alors, qu'est-ce qui évolue? Alors déjà, comme il fait plus beau, les gens ont plus de projets, donc le marché est beaucoup plus dynamique qu'en début d'année. Donc on voit de plus en plus de biens en vente. Les gens aussi ont des projets même de mutation, donc ils ont besoin de se déplacer ou de vendre. Donc on commence à être sur une période très intéressante pour l'immobilier, pour pouvoir acheter ou vendre. Là justement, les beaux jours arrivent, l'été va commencer à avoir le bout de son nez dans quelques jours. Qu'est-ce qui marche? Est-ce que les maisons avec piscine, ça fonctionne bien ça? Est-ce que c'est une bonne affaire? Comment ne pas se faire arnaquer justement qu'une maison avec une piscine? S'il y a une technique. Ah bah alors c'est comme pour les maisons, hein, il faut savoir qui est-ce qui l'a faite, il faut vraiment contrôler que ça a été fait dans les règles de l'art pour ne pas avoir de problème, et surtout si demain il y a un problème, bah pour pouvoir avoir un professionnel vers lequel se retourner. Donc bonne affaire ou pas bonne affaire, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'une piscine c'est aussi de l'entretien. Il faut pas se dire juste un carnet d'entretien un peu, c'est ça, comme une bagnole. Il faut avoir les connaissances, il faut aussi être entouré d'un bon pisciniste pour une piscine, mais même tous les jours, hein, je veux dire, demain t'as une piscine, bah il va falloir la nettoyer même si t'as un robot, il va falloir avoir les bons produits, le bon matériel, donc ça coûte un petit peu d'argent, ouais. Mais ouais. Est-ce que ça donne une valeur ajoutée, ça, à l'achat de la maison, bien sûr? Ah bah, bien sûr, oui, c'est une prestation qui est complètement, qui est un peu luxueuse. Après, il faut aussi que ta piscine soit en adéquation avec ta maison. C'est-à-dire que si t'as une maison, on va dire, où t'as un tout petit terrain et que la seule chose que tu fais, c'est de mettre une énorme piscine dessus, bah peut-être que les gens ils veulent aussi un terrain, donc il faut vraiment bah que la piscine elle soit en rapport avec la maison. Donc ouais. Après c'est vrai que les étés sont de plus en plus chauds, surtout dans notre région. Et ça se réchauffe de plus en plus. Hein. J'écoutais ce matin encore sur une radio concurrente que la planète commençait à se réchauffer de plus en plus. Bah ouais, malheureusement, la planète souffre de plus en plus. Donc on a des étés de plus en plus difficiles. Alors c'est super agréable d'être dans la piscine, mais dans les futurs, peut-être que la réglementation nous limitera au niveau de l'eau et donc des piscines. Donc il faudra aussi rester vigilant sur ce point-là. Alors les beaux jours approchent, l'été approche. Qu'est-ce qui se vend le mieux aujourd'hui dans le marché de l'immobilier? Alors ça reste. Que ce soit côté appartement ou côté maison. Hein. Alors il y a deux choses. Déjà, on continue toujours à avoir un marché très dynamique sur ce qui est investissement, parce que Orléans c'est une ville qui attire pas mal de personnes, que ça soit des étudiants ou même des travailleurs. Donc on a tout ce qui est investissement locatif, petite ou moyenne surface, qui marche très bien. On voit de plus en plus aussi se développer les colocations. Donc colocation de 4, 5, 6, 6 chambres, ça se développe de plus en plus. C'est un petit peu logique parce que sur les grosses régions, sur Paris, ça fait quelques années, ça fait une dizaine d'années déjà que c'est très bien implanté. Donc, quand on voit les tarifs à Paris, on comprend un peu qu'il y a de la colocation. Bon, même à Orléans. Maintenant, aussi, aujourd'hui, un petit appartement, ça coûte les yeux de la tête. C'est bien différent de quand j'étais étudiant il y a une quinzaine d'années. C'est clair. Mais on a d'autres solutions. Et même les gens, il y en a certains, ils veulent plus rester tout seuls et donc veulent un peu de la colocation, avoir un petit peu ce contact. Donc, ça permet de répondre aussi à une nouvelle demande. Donc oui, on a tout ce qui est investissement locatif, ça marche toujours. On a un peu plus de difficultés parce que c'est toujours pareil, les prêts continuent d'augmenter. Malheureusement, mauvaise nouvelle, c'est fini, sous les 3%, ça n'existe plus. Ah mince, voilà. Et oui, donc peut-être que votre banque vous fera une super fleur et vous serez sous 3%, mais la règle générale aujourd'hui, sous les 3%, c'est très très difficile. On continue à monter, même si les banques font des efforts, c'est-à-dire que certaines n'augmentent pas tous les mois, mais augmentent tous les deux mois leur taux. Ouais. Mais vers la fin d'année, je pense qu'on sera vers les 4%. 4%? C'est ça. C'est déjà pas mal. Par rapport à ce qu'on avait il y a un an et demi, oui, c'est élevé. Après, par rapport quelles sont les raisons aujourd'hui, justement, de l'arrêt des 3%? Ouais. Alors, moi, je connais pas toutes les règles. Alors, je pense que le principal, c'est l'inflation. L'inflation qui a drivé un petit peu toute cette crise. Après, c'est aussi européen. Donc, c'est pas uniquement dû à la France. En fait, ça dépend à combien empruntent les banques. Alors, ces chiffres sont un peu secrets. Tout est secret dans les banques. C'est ce qui aussi donne leur marge. Donc, mais c'est sûr qu'ils empruntaient sûrement il y a quelques années à des taux très très très préférentiels. Aujourd'hui, les taux ont augmenté même pour les banques, pour qu'ils puissent emprunter. Et donc, c'est pour ça qu'ils nous prêtent aussi à des taux supérieurs. Ouais. Alors, je le disais tout à l'heure, les beaux jours arrivent, le soleil est là, l'été arrive. Quels sont aujourd'hui les bons plans pour acheter en ce moment? Alors, les techniques de l'été, peut-être? Il y a une technique plus que l'hiver? Toi qui est dans le milieu, là? Alors, une technique, je sais pas. Mais moi, plutôt, agréable. Ça va être un conseil de bon sens, plutôt. Qu'une technique spéciale été ou spéciale hiver, comme je l'ai déjà dit quand je suis déjà venu, quand vous visitez, même si vous trouvez votre perle rare, vous avez les yeux qui pétillent, c'est bien de se faire entourer par quelqu'un qui va avoir un peu plus les pieds sur terre et qui va pouvoir vous montrer les vrais défauts de la maison. On n'achète pas une baguette de pain, donc il faut pas non plus arriver et dire c'est la maison qu'il me faut, sans regarder toutes les caractéristiques. Après, le coup de cœur, ça arrive assez souvent en plus. On veut pas en demander. On a un coup de cœur, mais on se dit tant pis, tant pis ce qui se passera, on veut cette maison. Voilà. Ça, ça arrive. Ça arrive. Après, voilà, il faut en assumer les conséquences. Mais souvent, c'est sur 25 ans sur un prêt, donc il faut savoir aussi. il faut savoir, voilà. Je veux dire, on a le temps de digérer. on a le temps de digérer, ou sinon, on a le temps aussi d'avoir mal au ventre pendant assez longtemps. Ouais, c'est ça. Après, voilà. je pense que, comme tout investissement, que ça soit immobilier ou bancaire ou n'importe dans n'importe quel domaine, on prend toujours des risques. Si on est entouré par les bons professionnels, on n'a pas de raison, entre guillemets, de se faire arnaquer, parce que la loi quand même protège les acquéreurs, protège les vendeurs, et donc nous, en tant que professionnels, on a une responsabilité, un devoir de conseil. Donc c'est sûr que même moi, quand j'ai un contrat, un mandat avec mon vendeur, je défends autant les intérêts du vendeur que du client acquéreur, parce que on a notre devoir de conseil qui s'applique à nous. On est intermédiaire de vente, donc intermédiaire entre l'acquéreur et le vendeur. Donc moi, mon client, c'est aussi bien le vendeur que l'acquéreur. C'est clair. Toi, t'arrives à déceler la mauvaise de la bonne maison quand tu es sur place, tu te dis ah ça, il faut que je le fasse, faut pas que je le fasse, ou alors. Ça m'arrive. Alors, je vais pas dire régulièrement, mais ça m'arrive de temps en temps de dire moi, je prends pas cette affaire parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu limite. Ouais. Et moi, derrière, j'ai ni envie de décevoir quelqu'un, ni envie d'avoir des problèmes. Donc, c'est pour ça que, et si vous trouvez une annonce et que c'est la super bonne affaire, la chose de impossible à avoir qui traîne depuis beaucoup de mois. Peut-être la réalité vous rattrapera, et finalement c'est qu'il y a derrière la belle façade, on a un énorme défaut ou un énorme problème. Donc ça peut arriver, ça. Ça peut justement arriver, ça arrive. C'est une question qu'on doit se poser. Une belle façade, peut-être des vis cachés. Alors une belle façade, ça peut être deux choses. Soit c'est bien entretenu. Les gens cachent la misère. Alors cacher la misère, ça peut arriver, mais comme dans beaucoup de choses. Après, il faut pas, les gens sont pas tous malhonnêtes, et heureusement. Il faut aussi voir le feeling. Nous, en tant que professionnels, on est là aussi pour déceler un peu ces choses-là. C'est sûr que si vous arrivez, dans une maison qui est assez ancienne et que vous avez une pièce qui est toute neuve, mais vraiment relativement neuve, elle a été faite uniquement pour la vente. Il faut se poser des questions. Ce qui est fait uniquement pour la vente, soit c'est pour homogénéiser un peu la maison, c'est-à-dire que des fois il y a des gens, certaines parties, comme ils habitent depuis longtemps, ils se disent on va le faire, et ils font que pour la vente. Mais il y a aussi des personnes sûrement qui doivent se dire ça c'est vraiment le gros défaut. Soit je le refais bien, soit je masquais le défaut. Mais quand on masque des défauts, on peut aussi avoir des conséquences derrière si c'est fait intentionnellement et si on masque vraiment quelque chose de grave. Non, c'est vrai qu'on en parle régulièrement quand tu viens, mais les bons conseils à donner à LDR, on peut les redonner pour acquérir une maison si vous êtes justement en ce moment en train d'acheter une maison. Les bons conseils. On les donne régulièrement, et c'est vrai que c'est super important. Pour moi, les bons conseils, déjà. Écoutez bien. Écoutez de la radio. Déjà, il faut aller voir la maison. Il faut aller la voir au moins deux fois, je pense. La première fois, pour la découvrir. Heures différentes, peut-être, non ? Des heures différentes, même des jours différents. Oui, ça dépend. Mmh. Allez la voir au moins deux fois. Vous pouvez aller la voir tout seul et une fois, être accompagné de personnes qui vont vous conseiller, et pas des fois des personnes qui vont descendre la maison ou qui vont aussi être dans le même état que vous, c'est-à-dire et pas voir les défauts. Vous avez des personnes avec un peu plus les pieds sur les épaules. Un troisième œil, en gros. Hein, exactement. C'est ça. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est demander tout ce qui est diagnostic de la maison. Énergétique. On n'a pas que le DPE, on a les diagnostics énergétiques, on a le RP, c'est l'état des risques et pollutions, c'est-à-dire l'environnement. C'est-à-dire zone inondable ou pas ? Zone inondable. Est-ce que il y a des entreprises dangereuses dans le coin ? Est-ce que vous êtes sur un couloir aérien de Brissy, par exemple ? Parce que dans le coin, on en a. Donc ça, c'est. Après, on a tout ce qui va être diagnostic électrique, gaz. Si vous avez du gaz, vous avez aussi l'amiante. Vous avez, si c'est une maison plus ancienne, le plomb. Et après, on a des diagnostics spécifiques. Mais ça, c'est vraiment. Ça va dépendre d'où est-ce que vous achetez. Nous, sur Orléans, les diagnostics spécifiques, c'est un petit peu limité, mais on peut avoir type termites, mérules, des choses comme ça, suivant où vous achetez. Donc là, une fois que vous avez tous les diagnostics, bah, vous avez un peu l'état des lieux de la maison. Mmh. Donc là, vous allez analyser, parce que les diagnostics vierges, hormis si c'est une maison qui a moins de 10 ans, sinon vous avez toujours quelque chose sur l'électricité, sur le gaz, sur ces choses-là, s'il reste un petit peu d'amiante, des choses comme ça, vous allez toujours voir des choses. Donc là, vous allez aussi mesurer de votre côté, bah, savoir si ça peut vous correspondre. Et la dernière chose, c'est s'il y a des travaux, n'hésitez pas à vous faire renseigner, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de professionnels, parce que souvent on se dit, bon bah voilà, j'ai mon carrelage, je vais sur un magasin, une grande surface, c'est tant du mètre carré, je multiplie, mais oubliez pas la pose, oubliez pas que ces matériaux, des fois, ils sont pas aussi destinés aux professionnels, c'est pas ceux qui vont vous vendre. Mmh. Et l'extérieur à palaisinier, ça coûte très cher de faire un bel extérieur, par contre c'est une vraie valeur ajoutée. Une vraie valeur ajoutée, voilà. Donc des bons conseils ce matin avec Elder. Voilà. On est mieux à la campagne ou en ville? Alors on dit toujours c'est beaucoup moins cher à la campagne. Est-ce que c'est vrai? C'est la réalité ça? Alors c'est moins cher parce que les terrains sont moins chers. En fait, c'est moins cher. On est un peu éloigné aussi, hein. Ouais, on est un peu plus éloigné, mais dans la région d'Orléans, si vous restez dans la métropole ou même on va dire dans la petite couronne juste après la métropole, ça reste quand même relativement élevé. En fait, on ne va pas avoir des différences. Je veux dire, hormis Orléans centre ou Olivet, bah vous savez que ça reste ou tout ce qui est bord de la Loire, bord du Loiret, un peu des cadres exceptionnels, ça reste relativement cher. Mais sinon, dès qu'on s'éloigne un petit peu d'Orléans, les prix sont similaires. Même si vous allez un peu plus loin, Boigny, toutes ces communes, bah en fait, on reste à des prix qui sont maintenus parce que maintenant avec tout ce qui est transport, les gens peuvent se déplacer facilement. Ouais. Après, campagne ou ville, ça dépend vraiment de la personne. Il y en a qui veulent se déplacer, être en ville, et ils adorent avoir un peu ce monde autour d'eux, toute cette vie. Et il y en a, ils veulent être complètement tranquilles et être un peu plus à la campagne. Ouais. Des bons plans avec toi une fois par mois, on te retrouve avant de se quitter. Est-ce que toi, t'as un bon plan ce matin à nous proposer? Oui. Alors j'ai un plan. Ah, vas-y. Alors bon plan, je sais pas si c'est bon plan, mais c'est sur les financements. Je vous conseille, dans tous les cas, même si vous êtes votre banquier, c'est votre meilleur ami, je vous conseille d'aller. Attention. Non, mais si c'est votre meilleur ami, vous pensez qu'il va vous faire. Voilà la meilleure offre. Je vous conseille d'aller voir un courtier. Alors, il y en a plein. C'est simple. Vous allez sur Internet, vous allez regarder les avis. Les courtiers, quel est leur métier? C'est de comparer les différentes offres des différentes banques. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment trouver l'offre qui va être le plus adaptée à votre situation. Alors que le banquier, lui, il peut que vous proposer l'offre que la banque commercialise. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que si, malheureusement, votre banque ne commercialise pas l'offre la plus adaptée à votre situation, bah lui il va vous faire son maximum. Mais un courtier, lui, il va vraiment avoir une vue d'ensemble qui permettra de vous proposer quelque chose qui est beaucoup plus adapté. Et en plus, souvent ils travaillent pas avec les banques en elles-mêmes, ils travaillent avec les caisses régionales. Mmh. En fait, ils négocient plus une globalité. D'accord. Voilà. Ok. Bah voilà des bons plans avec toi. On peut faire appel à tes services aussi. Ah bah voilà. Ça sera avec plaisir. Mon métier, comme je le dis toujours, c'est le conseil. Voilà. Donc si vous avez besoin d'un conseil, d'un avis de valeur, des choses comme ça, de toute façon le conseil est gratuit. Et après, si vous avez besoin de, je sais pas. D'une estier ou des choses de ce type-là, n'hésitez pas à me contacter. Et ben on va mettre le lien sur les pages Facebook et puis on va si on a besoin de toi, on fait appel à tes services. Voilà. En tout cas, vous pouvez le retrouver une fois par mois sur l'arc-en-ciel Elder qui nous donne des bons conseils, des techniques pour pas se faire arnaquer, pour bien acheter. Et si ça se trouve, grâce à lui, vous allez peut-être acheter une belle maison. Je l'espère. On l'espère en tout cas, Elder. Merci d'être venu ce matin, Elder, sur l'arc-en-ciel. Merci à toi. On te souhaite une belle journée et puis on va mettre ta belle photo et puis le lien en dessous, comme ça les gens s'ils veulent te contacter. Il t'appelle, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Merci Elder. Salut. Belle journée. Merci. 8h43 minutes en direct ce matin, 96 FM, la fréquence qu'il nous faut. Ça fait du bien de vous retrouver ce matin. Elder qui vous a donné des bons conseils en immobilier, comme tous les mois. On le retrouve le mois prochain. Bandi à la planète, on est en direct. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et il revient avec sa bande. Il est dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel, c'est Abdé, je l'accueille. Le 12 mai dernier, en plein délire, c'était sur Pathé Cinéma, Place de la Loire. Alors, on va en savoir un petit peu plus. On l'a accueilli pour parler justement de ce court-métrage. Et là, aujourd'hui, il revient en force avec des invités. Bonjour Abdé. Bonjour. Ça va la forme? Ça va, ça va. Bon, t'es revenu, mais t'es revenu en bande, on va dire. Avec, je suppose, des personnes qui ont assisté à ce court-métrage. On va les accueillir. On va commencer par les dames, parce que je suis galant. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment elle s'appelle? Eva Paltani. Eva Paltani, c'est quoi, italien? Tout à fait. Et voilà, ça tombe bien, j'en ai passé tout à l'heure, du Eros Ramazzotti. Et le jeune homme, il s'appelle comment? Joshua Ebb. Joshua Ebb, et tu es de quelle origine, Joshua? Je suis d'origine portugaise. Oh, bah, bienvenue chez les Portugais, alors, Radio Le Caraï. Bienvenue, les amis. Alors, on va commencer avec toi, Abdé, si tu veux bien. En plein délire, c'était le 12 mai dernier, il y a 10 jours, un peu plus de 10 jours. Comment s'est passée cette deuxième projection, on va dire? Bah franchement ça s'est très très bien passé. Ouais. On n'a pas eu énormément de monde quand même, enfin un petit peu, mais on s'attendait ni à plus ni à moins en fait. C'était vraiment aléatoire. Mais au niveau de la projection, de l'ambiance et tout, c'était extraordinaire. Ouais. Et puis par rapport à la première version, rien à voir. Ou alors rien à voir. Ça a changé. Qu'est-ce qui a changé justement par rapport à le son? On a retravaillé le son, parce que le son sur la première était très compliqué. Ouais. Donc il y a le son, et puis il y a des scènes qui ont été changées, des scènes qui ont été ajoutées. Ouais. Et résultat, le résultat nickel, confirmé. Donc du coup on va faire vivre le film maintenant. On va faire le film. Et ben voilà. En tout cas. Alors et ben justement, Joshua et puis mademoiselle Italia qui est là. On va démarrer avec les filles. Mademoiselle, si vous voulez bien. Alors, oui. Vous, c'était la première fois. Vous avez assisté à la première édition ou pas? Alors en fait non, j'ai assisté à la seconde, donc je n'ai pas pu observer les modifications, donc j'ai vu le travail vraiment poussé jusqu'au bout la deuxième fois, donc j'ai pas été déçue, mais j'aurais bien voulu justement pouvoir comparer, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des retours là-dessus, en disant effectivement que ça avait aidé à pousser plus loin quand même le film, et à lui apporter une dimension beaucoup plus dense. Alors toi, tu en penses quoi pour faire une généralité justement de ce court-métrage? Bah, j'ai adoré. C'est quoi que t'as adoré? Le style, les personnages, la musique? Ouais, en fait, il y avait plein de propositions. Exactement, c'est ça. Il y avait plein de propositions, il y avait plein d'initiatives. Et j'ai trouvé ça super intéressant justement. Enfin, la caméra racontait vraiment quelque chose. Et j'aime beaucoup tout ce qui est psychologique, dramatique. Et ça vient poser une problématique où, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais une problématique où on vogue un peu entre réalité, illusion, on ne sait pas, ça vient un peu bousculer tout ce qui est dans l'éthique, où est-ce qu'on est à la bonne place et qu'est-ce qui est juste en fait. Alors tu sais que c'est les débuts d'Abdé dans ce milieu, carrément, et tu en as pensé quoi par rapport à un peu... Ce début, est-ce que c'est un bon début pour toi, pour lui? Est-ce qu'il a de l'avenir? Je vais pas dire que t'es Madame Irma, que t'as pas de boule à cristal, mais tu en as pensé quoi? Est-ce que il a de l'avenir? Alors, pour moi, oui, parce que c'est dur de pouvoir proposer des choses et que ce soit porté jusqu'au bout. Donc, s'il lâche rien, c'est que déjà il va plus loin que 70% des autres personnes. Et surtout, il a pas peur en fait de faire des propositions et de rassembler les gens autour de ce qu'il propose. Ouais, et c'est vrai que dans ce milieu-là, on en parlait déjà il y a quelques semaines avec Abdé, c'est un peu fermé, ce milieu est fermé, compliqué, le cinéma comme la musique d'ailleurs, hein. Très fermé, très compliqué, et puis c'est même compliqué d'amener du monde quand on n'est pas connu, quand on n'a pas de nom, parce que maintenant cette époque est complètement différente. Les gens, que ce soit les gens ou parfois même des producteurs, vous suivent que si vous avez des followers et non pas si vous avez du talent. C'est une image, quoi. Bon, lui, ça va. Voilà, ils vont regarder le nombre de personnes qu'il le suivent, et puis basta, quoi. Enfin, même si c'est trafiqué un peu les followers, des fois. Ah, ça, je sais pas, je suis pas très. Oh, il y en a. Joshua, on bandit, hein. T'as vu, je parle un petit peu portugais. Hein. Alors toi, qu'est-ce qui t'a plu dans ce court-métrage? C'était la première ou t'as déjà assisté au premier? T'as assisté au premier? Non, j'ai assisté que également au deuxième visionnage, mais j'ai trouvé que le film était extrêmement malin en fait, qu'il se servait beaucoup des difficultés qu'il peut y avoir à mettre en place un court-métrage, et ils vont s'en servir pour créer une vraie ambiance. Ça se passe dans la rue, donc le fait qu'il n'y ait pas de grue ou de chariot de travelling ou quoi, en fait c'est pas du tout gênant, parce qu'on est vraiment immergé dans le milieu. C'est ça. Ouais. Au cœur de l'action. T'as déjà visionné plusieurs courts-métrages toi, ou alors c'est la première fois? Des courts-métrages amateurs, j'en visionne beaucoup. Ouais. Et justement, alors par rapport au reste, tu en penses quoi de celui de Abdé? Celui d'Abdélah qui est effectivement extrêmement... Il a payé avant de venir, non? Non. Je l'ai surveillé du regard. Il est extrêmement ambitieux en fait, parce que déjà 40 minutes, c'est extrêmement long. Ouais. Pour un court-métrage amateur, c'est pas du tout le temps qu'on espère d'habitude. Et en plus, c'est 40 minutes sans fausse note. Il y a tous les personnages qui sont bien amenés. Ils ont chacun du HMC, enfin du habillage, maquillage, coiffure extrêmement bien fait. Explique, parce que les auditeurs HMC vont dire, je sais pas ce que c'est. Habillage, c'est quoi HMC? Habillage, maquillage, coiffure. Et tout allait, tout était parfait. Tout était parfait. Chaque personnage était extrêmement bien conçu, c'est-à-dire qu'on comprenait tout de suite qu'est-ce qu'il a porté au court métrage. Ouais. Et donc, toujours dans cette idée d'immersion et d'ambiance. Et on voit que Abdellah, qui s'est emmené avec lui les gens, notamment dans son court métrage, mais aussi son équipe. Tu as pensé quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'amateurs dans ce court-métrage, Amdé. Les personnages, tu les as sentis comment? Réagir comment par rapport à la caméra? Est-ce que tu les as trouvés assez professionnels? Ou des moments, c'était un peu moins pro? C'était des acteurs amateurs, donc forcément, c'était pas tout nickel, mais non, les personnages principaux et secondaires sont tous très très convaincants, oui. Alors, je pose la question, Amdé, il a de l'avenir alors? Bien sûr. Ah, toi qui visionne plusieurs courts-métrages amateurs, il a de l'avenir. Alors déjà, deux bons points. C'est pas trop long, mademoiselle, 40 minutes, non? Ça va? Parce que le court-métrage, ça dure quoi à peu près? Des fois, c'est 20 minutes, 30 minutes, non? 30 à peu près max, ouais, parce qu'en fait, je me suis retrouvé face à une problématique. Déjà, faut savoir que je les ai rencontrés le mardi de la même semaine, ouais. Parce qu'on a été visionné un autre court-métrage. Donc, on se connaissait pas avant. Et pour en revenir à ça, c'est que moi, en fait, mon moyen-métrage dure 40 minutes. Ouais. Et dans la plupart des festivals, parce que je reçois beaucoup, beaucoup de propositions au niveau des festivals, généralement, les films, en tout cas en France, c'est 30 minutes. Mmh. Et du coup, je me suis retrouvé face à cette problématique, c'est que entre 30 et 59 minutes, parce qu'au-delà, ça devient un long métrage. Ah oui. Bah, pour ce qui est des festivals, c'est compliqué de mettre mon projet en festival, en tout cas en France. Bon, après, dans d'autres pays, ça passe, ça peut passer dans certains, en tout cas aux États-Unis, en Angleterre, ou ce genre de pays, ils ont pas ce problème-là, parce que c'est reconnu, les moyens métrages, mais en France, en fait, c'est un peu compliqué encore. C'est court ou long métrage. Mmh. Donc, des films qui durent entre 30 et 59 minutes, c'est compliqué à trouver, et donc du coup à faire, sauf que comme je suis autodidacte, moi j'y suis allé, j'ai écrit ce que j'avais dans la tête et basta, et ça fait ce que ça fait en fait. Donc la suite, Abdé, ça va être quoi la suite aujourd'hui? Très positif, là j'ai fini le scénario d'un prochain projet, d'un moyen métrage, cette fois-ci action. Ce sera de l'action. Ah. Et toi t'es un peu cascadeur dans l'âme. Ah bah là on va mettre en avance que je vais retourner un peu dans mon confort entre guillemets. Mais ouais, sur celui-ci j'ai vraiment voulu sortir de mon confort et vraiment tester autre chose, parce que comme je disais la dernière fois, c'est que dans un film d'action, même si l'histoire n'est pas ouf, on va dire, on peut maquiller ça avec de l'action, des acrobaties. Les gens pensent que le film est... Il y en a qui vont dire que le film est excellent. Mmh. Alors que le fond d'un film, c'est un peu l'histoire. Donc c'est un peu... il sera bien dans la forme, mais pas spécialement dans le fond. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé le fond et dans le court-métrage précédent. Et dans celui-ci, je vais essayer de mettre les deux, et puis on verra. Faut que je monte encore d'un cran, quoi. D'un cran. On va remonter d'un cran. Les points, on va faire les points plus, les points moins. On va démarrer avec toi, mademoiselle, si tu veux. Pour toi, le plus et le moins, s'il y en a. Ou c'est que du plus, peut-être, hein. Alors, pour moi, vraiment, le plus, ça a été, au niveau, comme il a dit, HMC, par rapport à la coiffure, au maquillage. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien par rapport bien à fait, la lumière. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ça donnait vraiment une belle photographie, de belles scènes, de belles images, quoi. Ça rendait vraiment bien. Après, ça a été surtout l'ambiance. Il y a des petits clins d'œil que j'ai repérés par rapport à des films qui vont toucher un peu tout le monde. Donc ça, c'est agréable. On se sent un petit peu unique quand on voit ça. C'est vrai. On se sent puissant. Donc ouais, pour moi, c'était vraiment au niveau de la photographie, du scénario, du maquillage et ouais de la cohésion, parce que il y a des films où quand on les voit. On se dit qu'on n'a rien compris quand on est sorti. Et là, vous avez tout compris. Enfin, pour toi, t'as tout compris. Oui. Je trouve que vraiment, pour le coup, à la fin, en fait, il n'y a pas une réponse qui. Pardon, excusez-moi avec la table. Non, vas-y. Il hein. n'y a pas une réponse juste de sur la problématique du personnage. On se dit pas ah bah oui ou ah bah non, c'est évident. C'est chacun va aller de son interprétation et on va pouvoir confronter après nos visions les uns aux autres, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ouvre aussi un débat. Donc ça rejoint aussi le point positif pour moi en plus. Et ben voilà, le point positif. On attend la suite alors. Et toi, Joshua, point plus, point négatif, s'il y a un des deux. Le point positif, les points positifs, c'est d'avoir pu créer tout ça avec une petite équipe comme ça, et juste sur la base de l'envie, quoi. Et le point négatif, ça se rejoint, c'est le fait d'avoir une petite équipe. Ils ont dû se restreindre. J'imagine ce que ça peut donner, ce qu'ils peuvent donner avec budget, une équipe On imagine complète aussi. Et, en tout cas, on lui souhaite plein de belles choses. On va te laisser le mot de la fin, Abdé. Le mot de la fin. La suite, elle est comment? La suite, là, on prépare quoi? Il n'y a pas des... Ici, ça va être un peu plus compliqué. Donc, comme il vient de dire Joshua, c'est que pour le prochain, ce sera très compliqué d'être une toute petite équipe. Là, on a rencontré un peu de monde sur Orléans. Et j'espère que les gens seront un peu plus curieux. curieux de découvrir des choses dont enfin qui ça ils s'attendent pas spécialement. Donc voilà, après il y a d'autres projets, on n'en dit pas plus que ça. Après j'ai un projet musique aussi, donc sur lequel je suis en train de travailler parce que je fais beaucoup de choses. Donc voilà, on essaie de faire des choses et puis en espérant qu'il y ait un peu plus de curiosité. Et puis, ben voilà. Et puis voilà quoi. Ben on espère aussi pour vous, pour toi, pour toute ton équipe. Et voilà. Et ben nous on te suivra. Tu viens nous revoir pour nous parler un peu de la suite avec avec des retours de films aussi comme aujourd'hui. On vous remercie d'être venus, les amis, parler un peu de ce court métrage fait par mon ami Abdé. Il reviendra dans les studios. Et puis vous aussi, vous serez les bienvenus quand vous voulez pour reparler justement. Avec on vous souhaite plein de belles choses. Ah, merci beaucoup. Hein Abdé, on croise les doigts pour toi. Bah croisons les doigts. Et puis bah dès que t'as des nouvelles de la suite, tu viens nous voir. Pas ok. On fait comme ça. Merci en tout cas. Belle journée sur Radio Arc-en-Ciel. Bientôt 9h en direct ce matin. Et Monsieur Lorenzo qui arrive dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel. Et Lucenzo, bandit à la planète. Bandit à Monsieur Lorenzo. Ça va? T'as de bang? Comme un blaster, toujours à l'émotion tourne sur ta playlist. On arrive pour Fichal les mon équipe est sur la piste. Mon style est révolutionnaire comme Fidel Castro. J'ai trop de niveaux et des ennemis, j'en casse trop. Reggaeton fever, pas de papi chulo. Mueve tu culo, sino va fan culo. Mami, baila conmigo. Io bailo contigo. Si seguimos bailando. Esto va a ser un castigo. Mami, baila conmigo. Io bailo contigo. Si seguimos bailando. Esto va a ser un castigo. Para ser tu abrigo, mami, es que sentí es como un castigo, pero siempre me siento contento cuando estoy contigo, mi lady. Para mí tú eres mi baby, yo quiero ser tu papi y que tú seas mi mami. Y esta noche lo que quiero es pelearte más, pelearte más, pelearte más. Mami, baila conmigo. Je suis perturbé, il y a M. Laurenceau qui est là, ça y est, il me perturbe. Bon, je vous retrouve demain matin à 7h-9h. Soyez au rendez-vous, la famille. En tout cas, passez une agréable journée à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Il arrive dans moins de 5 minutes au platine de la radio couleur avec le son du Portugal, le meilleur son du Portugal. À demain, 7h-9h. Calinette Nettoyage, 117 route nationale, 45 140 Ingrés. 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage.